Matthieu 6, verset 24, je lis de la version Parole de vie. Personne ne peut servir deux maîtres. En effet, ou bien il détestera l'un et il aimera l'autre, ou bien il sera fidèle à l'un et il méprisera l'autre. Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et l'argent. Il est clair en lisant ce passage qu'il y a un problème avec l'argent. Nous allons identifier ce problème et le régler, puis nous allons voir l'argent en 3D. Drainer l'argent, dépenser l'argent et donner l'argent. Vous écoutez Ressources de Dieu 2, Finances. Ceci est un enseignement de préparation au séminaire en Economia, Intendance des Ressources de Dieu. Le séminaire en Economia, Intendance des Ressources de Dieu, a pour but d'inspirer et d'équiper les saints afin qu'ils soient des gestionnaires fidèles des ressources de Dieu et que leur témoignage et héritage spirituel et matériel glorifient Dieu. Les enseignements de préparation à ce séminaire et à d'autres séminaires sont téléchargeables gratuitement sur le site www.epplaparole.com. Ces ressources ne peuvent être vendues. Toutefois, vous pouvez les reproduire, les distribuer et les diffuser gratuitement, sans les tronquer et sans les modifier. Je suis Marie-Laure Braga et revoici Paul-Julien Braga pour la suite du message. Bonne écoute! Le problème avec l'argent, c'est qu'on peut l'aimer et le servir à la place de Dieu. Dans l'enseignement précédent, nous avons introduit l'idée que l'argent est le produit de votre intendance des trois ressources de base que sont le temps, le tonus et les talents. Nous avons aussi dit que l'intendance combinée de ces trois ressources constitue ce qu'on appelle le travail. Et l'argent est une mesure de la valeur de ce travail. Ce n'est pas la seule mesure, bien entendu, mais c'est la mesure la plus utilisée et apparemment la plus aimée. Or, les Écritures nous mettent clairement en garde contre l'amour de l'argent. Car l'amour de l'argent est la racine de toutes sortes de maux. Certains ont eu une telle envie d'en posséder qu'ils se sont égarés loin de la foi et se sont infligés bien des tourments. Nous avertit 1 Timothée 6, le verset 10, lu dans la version français courant. Hébreux 13, verset 5, de même dit, « Votre conduite ne doit pas être déterminée par l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu a dit, je ne te laisserai pas, je ne t'abandonnerai jamais. » Cependant, les Écritures déclarent aussi que l'argent répond à tout, Ecclésiaste 10, verset 19. Et nous pouvons en effet constater que l'argent est une ressource utilisée dans presque tous les domaines de l'activité humaine. Alors, ça devient compliqué. Comment éviter l'idolâtrie de l'argent? Relisons entièrement Ecclésiaste 10, verset 19, parce que ce verset est très intéressant à la lumière de Matthieu 6, 24. En Matthieu 6, 24, l'argent est présenté comme une idole qui peut être aimée et servie en lieu et place de Dieu. Et l'Ecclésiaste dit, « On fait des repas pour se divertir, le vin rend la vie joyeuse et l'argent répond à tout. » Je trouve que deux idoles sont tapies dans ce verset. Le ventre, symbolisant le manger et le boire, et l'argent. Romains 16, verset 18 parle en effet de gens qui, je cite, « ne servent point Christ, notre Seigneur, mais leur propre ventre ». Et Philippiens 3, les versets 18 à 19, parle de plusieurs qui marchent en ennemis de la croix. Je cite, « ils ont pour Dieu leur ventre, ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte, ils ne pensent qu'aux choses de la terre ». En outre, Colossiens 3, le verset 5, encourage à faire mourir, entre autres, je cite, « la cupidité qui est une idolâtrie ». L'idole ici, c'est l'argent, car la cupidité est simplement l'amour de l'argent et des richesses. Qu'est-ce qu'une idole? Bien comprendre ce qu'est une idole est la clé pour éviter l'idolâtrie. En lisant les Écritures, vous réaliserez qu'une idole naît en deux phases. Premièrement, Dieu crée ou il permet une chose ou un être pour une utilité limitée. Deuxièmement, les humains décident de donner à cet être ou à cette chose l'amour, la confiance et les sacrifices sans limite qui sont dus à Dieu seul. Dieu lui-même décrit cette réalité en Ésaïe 44, les versets 15 à 20. Il est écrit, « Ces arbres servent à l'homme pour brûler. Il en prend et il se chauffe. » Il y met aussi le feu pour cuire du pain et il en fait également un dieu qu'il adore. Il en fait une idole devant laquelle il se prosterne. Il brûle au feu la moitié de son bois. Avec cette moitié, il cuit de la viande, il apprête un rôti et se rassasie. Il se chauffe aussi et dit « Haha, je me chauffe, je vois la flamme ». Et avec le reste, il fait un dieu, son idole. Il se prosterne devant elle, il l'adore, il l'invoque et s'écrie « Sauve-moi, car tu es mon dieu ». Ils n'ont ni intelligence ni entendement, car on leur a fermé les yeux pour qu'ils ne voient point et le cœur pour qu'ils ne comprennent point. Il ne rentre pas en lui-même et il n'a ni l'intelligence ni le bon sens de dire « J'en ai brûlé une moitié au feu, j'ai cuit du pain sur les charbons, j'ai rôti de la viande et je l'ai mangé, et avec le reste, je ferai une abomination, je me prosternerai devant un morceau de bois. » Il se repaît de cendres. Son cœur abusé l'égare, et il ne sauvera point son âme, et ne dira point « N'est-ce pas du mensonge que j'ai dans ma main ?» Tout comme le bois dans ce passage d'Ésaïe 44, l'argent peut être utilisé, mais ne doit pas être servi ou adoré. Ce que Matthieu 6, verset 24, met en lumière, c'est que soit on utilisera Dieu pour servir l'argent, soit on utilisera l'argent pour servir Dieu. Or, l'argent, qu'il soit servi ou utilisé, ne peut pas sauver l'âme. Dieu seul en a le pouvoir. En plus, Dieu a le pouvoir de donner à ceux qui l'aiment et le servent les choses que les païens recherchent à travers l'amour de l'argent. Alors que, dit l'Ecclésiaste 5, verset 10, « Celui qui aime l'argent n'est pas rassasié par l'argent, et celui qui aime les richesses n'en profite pas. » C'est encore là une vanité. En conséquence, la priorité de ceux qui craignent Dieu est de chercher, premièrement, le royaume et la justice de Dieu. Ainsi, ils saisissent la part qui ne leur sera jamais ôtée. Et Dieu leur ajoutera par-dessus toutes les choses dont le monde s'inquiète. C'est ce que les baouliers de Côte d'Ivoire appellent « guassou », ce qu'on ajoute par-dessus. Les Écritures disent en effet « Ne te tourmente pas pour t'enrichir, n'y applique pas ton intelligence. Veux-tu poursuivre du regard ce qui disparaîtra? Car la richesse se fait des ailes et comme l'aigle, elle prend son vol vers les cieux. » En résumé, pour vaincre l'idolâtrie de l'argent, notre priorité absolue doit être Dieu et le salut de l'âme qu'il offre à tous les humains par l'évangile de Jésus-Christ. Dieu, et non l'argent, est la sécurité, le salut et le sens de notre vie. Nous ne devons pas servir l'argent en utilisant Dieu. Nous devons vivre pour Dieu et le servir avec tout ce qu'il nous donne, y compris l'argent. Comment servir Dieu en utilisant l'argent? C'est la question à laquelle nous répondrons en 3D. Drainer, dépenser et donner l'argent. Mais avant, voici une question pour vous. L'argent a-t-il parfois pris la place de Dieu dans votre vie? Et vous me demanderez, à quoi puis-je reconnaître que l'argent a pris la place de Dieu dans ma vie? En vous dictant une conduite opposée à Dieu? En vous donnant un sentiment de sécurité que la parole du Seigneur et la communion de l'Esprit ne suffisent pas à vous communiquer? En exigeant de vous des sacrifices indus? Alors, l'argent a-t-il parfois pris la place de Dieu dans votre vie? Drainer l'argent. Par cette expression, il faut comprendre le fait d'attirer à soi ou de gagner de l'argent. Tout comme le temps, le tonus et les talents et toutes les ressources matérielles qui résultent de l'intendance de ces trois, l'argent appartient à Dieu qui nous le confie. Agé 2, verset 8, il est écrit « L'argent est à moi et l'or est à moi, dit l'Éternel des armées ». Le principal canal par lequel nous recevons l'argent est le travail, c'est-à-dire le fait de mettre notre temps, notre tonus et nos talents à servir les autres. Quand nous leur offrons ainsi des services ou des produits de valeur qui répondent à leurs besoins ou à leurs désirs, ils nous compensent cette valeur en argent. Proverbe 31 présente la femme vertueuse qui, je cite, « se procure de la laine et du lin et travaille d'une main joyeuse. Elle est comme un navire marchand, elle amène son pain de loin. » Je souligne « amène son pain ». Elle ceint de force ses reins et elle affermit ses bras. Elle sent que ce qu'elle gagne est bon. Je souligne, ce qu'elle gagne est bon. Sa lampe ne s'éteint point pendant la nuit. Elle fait des chemises et les vend et elle livre des ceintures aux marchands. Récompensée là du fruit de son travail. Je souligne, récompensée là du fruit de son travail. Et qu'aux portes ses œuvres la loue. J'ai ainsi lu les versets 13 à 14, 17 à 18, 24 et 31 de Proverbe 31. Paul écrit en Actes 20, les versets 33 à 35, Je n'ai désiré ni l'argent, ni l'or, ni les vêtements de personne. Vous savez vous-même que ces mains ont pourvu à mes besoins et à ceux des personnes qui étaient avec moi. Je vous ai montré de toute manière que c'est en travaillant ainsi qu'il faut soutenir les faibles et se rappeler les paroles du Seigneur qui a dit lui-même « Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir ». Comment Paul a-t-il pu prendre en charge ses propres besoins et ceux de ses collaborateurs plus faibles? En travaillant pour un salaire, au lieu de vivre des dons des frères et sœurs en Christ, auxquels il avait d'ailleurs droit, comme il l'explique en 1 Corinthiens 9, les versets 11 à 18. Paul considère même que ne pas travailler pour gagner ou manger son propre pain, c'est vivre dans le désordre, c'est-à-dire ne pas assumer son devoir. Il dit en 2 Thessaloniciens chapitre 3, les versets 7 à 12, « Vous savez vous-même comment il faut nous imiter, car nous n'avons pas vécu parmi vous dans le désordre. » Nous n'avons mangé gratuitement le pain de personne, mais dans le travail et dans la peine, nous avons été nuit et jour à l'œuvre pour n'être à charge à aucun de vous. Ce n'est pas que nous n'en eussions le droit, mais nous avons voulu vous donner en nous-mêmes un modèle à imiter. Car lorsque nous étions chez vous, nous vous disions expressément, si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Nous apprenons cependant qu'il y en a parmi vous quelques-uns qui vivent dans le désordre, qui ne travaillent pas, mais qui s'occupent de futilité. Nous invitons ces gens-là et nous les exhortons par le Seigneur Jésus-Christ à manger leur propre pain en travaillant paisiblement. La paresse a pour conséquence la pauvreté et la destruction. Proverbe 28, verset 19 déclare « Celui qui cultive son champ est rassasié de pain, mais celui qui poursuit des choses vaines est rassasié de pauvreté. » Proverbe 18, verset 9 « Celui qui se relâche dans son travail est frère de celui qui détruit. » Quand nous lisons Proverbe 26, versets 13 à 14, nous pouvons voir que le paresseux est le roi des excuses, un expert en discernement des obstacles pour ne pas se lever. Il est écrit, « Le paresseux dit, il y a un lion sur le chemin, il y a un lion dans les rues, la porte tourne sur ses gonds et le paresseux sur son lit. » Au contraire du paresseux, celui qui travaille avec sérieux et développe son expertise obtient la promotion. Proverbe 22, verset 29, version Parole de vie, il est écrit « Regarde celui qui travaille bien, il pourra se présenter au service du roi au lieu de rester parmi les ouvriers qu'on ne connaît pas. » Et ce n'est pas étonnant car une telle personne aborde tout travail comme pour le roi des rois selon qu'il est écrit « Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur comme pour le Seigneur et non pour des hommes, sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense. » Servez Christ le Seigneur. En effet, le standard du roi des rois, c'est que nous fassions toutes choses avec excellence. C'est lui qui dit, en Luc 16, les versets 10 et 12, je lis dans la version Semeur, « Si quelqu'un est fidèle dans les petites choses, on peut aussi lui faire confiance pour ce qui est important. Mais celui qui n'est pas fidèle dans les petites choses ne l'est pas non plus pour ce qui est important. » Si vous n'avez pas été fidèle dans la gestion du bien d'autrui, qui vous donnera celui qui vous est personnellement destiné? Il dit aussi de son père que, je cite, « Tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. » Jean 15, verset 2. Quand on est ainsi promu par le roi des rois, ce n'est pas étonnant de servir les rois de la terre, qui peuvent être des monarques, des chefs de territoire, mais aussi des leaders dans des secteurs d'activité. Et bien sûr, comme nous l'avons vu, de telles promotions sont accompagnées du double honneur qui leur est associé, la considération et le salaire qui résultent d'un service excellent, tant dans le monde professionnel que dans le corps de Christ. Alors, question pour vous. Êtes-vous suffisamment fidèle dans les petites choses et dans la gestion des biens d'autrui pour espérer une promotion? Dépensez l'argent. L'argent que vous avez drainé ou gagné par votre travail constitue la partie « revenu » ou « entrée d'argent » dans votre budget. C'est quoi un budget? Un budget est un moyen de dire par avance à votre argent où il doit aller quand il va arriver, de sorte que vous n'ayez pas à vous demander après où il est passé. Nous allons donc maintenant voir l'autre partie de votre budget, les dépenses ou sorties d'argent. Les dons et les offrandes font partie des sorties d'argent, mais nous allons les aborder séparément, comme vous avez déjà pu le remarquer. Où donc doit aller le fruit de votre travail? En dehors des dons et offrandes, l'argent doit aller dans trois directions. Les charges courantes, l'épargne et l'investissement. Premièrement, les charges courantes. Les charges courantes concernent le fait de prendre soin de soi et des siens. En 1 Timothée 6, le verset 8, Paul déclare « Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. » Les charges courantes pour nous et nos familles concernent donc les besoins de base. Cette expression de Paul « avoir la nourriture et le vêtement » peut être comprise dans le contexte de 1 Timothée 6 comme « assurer le nécessaire pour l'entretien et la protection de base du corps ». L'opposé est l'accumulation de richesses que nous n'allons pas emporter dans la tombe et qui comporte beaucoup de pièges pour l'âme. Ainsi, à la nourriture et aux vêtements, nous pourrions ajouter le logement, les frais de santé et d'hygiène, les frais d'éducation. Et il va de soi que les frais essentiels pour continuer de travailler entrent dans cette catégorie. Il est écrit, si quelqu'un ne prend pas soin des siens, en particulier des membres de sa famille, il a renié la foi et il est pire qu'un incroyant. 1 Timothée 5, verset 8. Cette responsabilité familiale doit s'appliquer pour alléger les charges de l'Église. Paul écrit en effet, en ce qui concerne l'assistance des veuves, en 1 Timothée 5, « Si une veuve a des enfants ou des petits-enfants, qu'ils apprennent avant tout à exercer la piété envers leur propre famille et à rendre à leurs parents ce qu'ils ont reçu d'eux, car cela est agréable à Dieu. » Verset 4. Et encore, « Si quelque fidèle, homme ou femme, a des veuves, qu'il les assiste et que l'Église n'en soit point chargée, afin qu'elle puisse assister celles qui sont véritablement veuves. » Verset 16. Et cette responsabilité familiale est un préalable pour quiconque veut diriger l'Église. 1 Timothée 3, verset 4 à 5. « Il faut qu'il dirige bien sa propre maison et qu'il tienne ses enfants dans la soumission et dans une parfaite honnêteté. » Car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'Église de Dieu? Question pour vous. Comment gérez-vous les charges courantes de votre famille et comment le budget vous aide-t-il ou comment le budget pourrait-il vous aider? Deuxièmement, l'épargne. L'épargne est l'un des trois modes de gestion de l'argent qu'on voit dans la parabole des talents. Les deux autres modes consistent à thésauriser et investir. Thésauriser, c'est cacher l'argent dans un trou, Matthieu 25, verset 25, ou le garder dans un linge, Luc 19, verset 20. Investir, c'est faire valoir et gagner plus, Matthieu 25, verset 16 à 17. Entre les trois modes de gestion de l'argent, l'épargne est le moindre mal pour augmenter son avoir. Autrement dit, dans la parabole, thésauriser constitue une perte de gain. Épargner aurait ajouté un faible intérêt au dépôt. Investir a multiplié le capital. Même si épargner n'est pas un excellent outil pour multiplier son avoir, il reste un excellent outil pour préparer des réserves à utiliser pour des charges courantes dont le temps n'est pas encore arrivé, pour des projets futurs ou pour des urgences prévisibles. Michée 6, le verset 14, portant sur un jugement, parle de la séquence « manger, se rassasier, mettre en réserve et conserver ». Proverbe 6, 6 à 11, nous encourage à apprendre de la fourmi et à ne pas paresser. Et en fond de toile, on peut voir trois personnages dans ce passage. La prévoyance, la paresse et la pauvreté. Lisons Proverbe 6, les versets 6 à 11. Regarde la fourmi paresseuse. Vois comment elle se conduit et tu deviendras un sage. La fourmi n'a pas de chef, ni de surveillant, ni de patron. Pendant la bonne saison, elle amasse de la nourriture. Au moment de la récolte, elle fait des réserves. Et toi, paresseux, tu vas rester couché jusqu'à quand? Quand vas-tu te lever? Tu dors un peu, tu rêves un peu, tu restes un peu couché en te croisant les bras. Pendant ce temps, la pauvreté arrive comme un voleur et la misère vient comme un bandit. Version parole de vie. Quand on n'a pas la prévoyance de la fourmi, pendant la mauvaise saison, on court le risque de s'endetter ou bien de dépendre des dons de ceux qui auront été prévoyants. Et parfois, le manque de prévoyance peut même nous faire rater l'essentiel, comme cela est arrivé aux cinq vierges folles de Matthieu 25, les versets 1 à 13. Cette parabole du royaume qui nous appelle à la vigilance pour le retour du Seigneur a aussi des applications pour notre vie de tous les jours. Il est écrit « Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. Cinq d'entre elles étaient folles et cinq sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles, mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria « Voici l'époux, allez à sa rencontre !» Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages « Donnez-nous de votre huile car nos lampes s'éteignent. » Les sages répondirent « Non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. » Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous !» Mais il répondit « Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. » La différence entre les sages et les folles est que les premières, c'est-à-dire les sages, avaient des réserves d'huile. Elles étaient prêtes à surmonter les contretemps. Et pour les folles, plus tard est devenu trop tard. Proverbe 21, verset 20 atteste que « Dans la demeure de l'homme sage, on trouve de précieux trésors et des réserves d'huile, mais l'insensé dilapide ce qu'il a. » Version Semeur. Voici la question pour vous. Avez-vous des réserves pour les événements prévisibles, tels que les naissances, les questions de santé et d'éducation de vos enfants, vos parents vieillissants, votre propre vieillesse, vos projets? Troisièmement, l'investissement. Une partie de votre épargne peut être investie, c'est-à-dire fructifiée à travers des opérations qui ont pour but d'augmenter votre capital. L'investissement est le canal par lequel vous faites travailler la ressource argent pour les centres d'intérêt qui vous tiennent à cœur. Sur cette base, donner l'argent, le prochain point, est aussi un investissement, comme nous allons le voir. Investir et donner sont justement deux éléments du profil de la femme vertueuse, de Proverbe 31. Il est écrit au verset 16, « Elle pense à un champ et elle l'acquiert. Du fruit de son travail, elle plante une vigne. » Et au verset 20, « Elle tend la main au malheureux, elle tend la main à l'indigent. » Dans les paraboles ci-après sur le royaume des cieux, le Seigneur Jésus décrit une opération d'investissement au niveau de risque le plus élevé. Matthieu 13, versets 44 à 46, il est écrit « Le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache, et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a et achète ce champ. Le royaume des cieux est encore semblable à un marchand qui cherche de belles perles. Il a trouvé une perle de grand prix et il est allé vendre tout ce qu'il avait et l'a acheté. » Les investisseurs peuvent tirer de ces paraboles d'importantes leçons sur les risques, les rendements et les horizons de placement, tant pour la terre que pour le ciel. Pour en finir avec le point sur l'investissement, je veux vous laisser quelques considérations pratiques. Premièrement, prenez conseil auprès du Seigneur, des saints et des spécialistes des domaines dans lesquels vous voulez investir. Car il est écrit, Proverbe 3, versets 5 à 8, « De tout ton cœur, mets ta confiance dans le Seigneur, ne t'appuie pas sur ta propre intelligence, reconnais-le dans toutes tes voies, et c'est lui qui aplanira tes sentiers. Ne te crois pas trop sage, crains le Seigneur, écarte-toi du mal, ce sera la santé pour ton corps et un rafraîchissement pour tes os. » Il est encore écrit en Proverbe 15, verset 22, les projets échouent faute d'une assemblée qui délibère, mais ils réussissent quand il y a de nombreux conseillers. Et enfin, Proverbe 24, verset 6, car tu feras la guerre avec prudence et le salut est dans le grand nombre des conseillers. Deuxième considération pratique, se porter garant n'est pas un investissement, car il est écrit en Proverbe 17, verset 18, et je lis dans la version du Semeur, seul un homme dépourvu d'intelligence s'engage et se porte garant des dettes d'autrui. Troisième considération pratique, les prêts à usure ne sont pas des investissements à envisager. Proverbe 28, verset 8, je lis dans la version du Semeur, celui qui augmente sa fortune par un intérêt usurier amasse des biens pour celui qui a pitié des pauvres. Quatrième considération pratique, je voudrais vous suggérer quatre branches d'investissement à envisager. Et ce sont quatre branches en 4B. Premièrement, banque assurance. Donc, envisager des placements en banque ou en assurance. Deuxième B, business, la création d'entreprises. Troisième B, biens immobiliers et divers, donc les terrains, les bâtiments, les objets de collection, etc. Et puis enfin la bourse, le marché des actions et des obligations. Dernière considération pratique, revenus actifs et revenus passifs. Certains de vos investissements exigent votre implication continue dans une activité qui ne rapporte pas si vous ne travaillez pas. C'est ce qu'on entend par revenus actifs. D'autres investissements nécessitent un travail initial plus ou moins important. Et après, que vous travaillez ou pas, et même si vous êtes mort, l'investissement peut continuer à rapporter. C'est ce qu'on entend par revenus passifs. Voici à présent la question pour vous sur les investissements. Quelle est votre expérience des investissements? Nous voici à la dernière dimension de notre examen de l'argent 3D. Après drainer ou gagner l'argent et dépenser l'argent, voyons maintenant donner l'argent. Nous aborderons le sujet en 6M comme macédonien, qu'est-ce qu'on donne? Moment, quand est-ce qu'on donne? Motivation, pourquoi on donne? Manière, comment on donne? Montant, combien on donne? Et moisson, qu'est-ce que ça donne de donner? Voyons le premier M. Macédonien, qu'est-ce qu'on donne? Les Macédoniens se sont donnés eux-mêmes au Seigneur. Ensuite, ils ont donné de leurs biens malgré leur pauvreté, décrite comme profonde, et leurs épreuves. 2 Corinthiens 8, verset 5. Deuxième M. Moment. Quand est-ce qu'on donne? On note que les Macédoniens n'ont pas attendu d'être sortis de leurs épreuves et de leur pauvreté. Ils ont donné selon leurs moyens et même au-delà. 2 Corinthiens 8, verset 2 à 4. Troisième M, motivation. Pourquoi on donne? On donne pour obéir au Seigneur en assistant les saints, les serviteurs de l'Évangile et les semblables qui sont étrangers au peuple de Dieu. Les saints, acte 4, les versets 33 à 35, Galates 2, versets 9 à 10, acte 20, verset 35. Les serviteurs de l'Évangile, 1 Corinthiens 9, les versets 11 à 14. Les semblables étrangers au peuple de Dieu, Luc 6, versets 33 à 36. Quatrième M, manière. Comment on donne? Premièrement, à Dieu, comme fit Abel, Genèse 4, les versets 1 à 5. Discrètement, comme on le lit en Matthieu 6, les versets 1 à 4. Sans rien attendre en retour, suivant Luc 6, verset 35. Et enfin, volontairement, librement et joyeusement, conformément à 2 Corinthiens 9, le verset 7. Cinquième M, montant. Combien on donne? Selon votre cœur, comme vous l'avez résolu en vous-même, 2 Corinthiens 9, le verset 7. Sagement, sans vous dépouiller, conformément à 2 Corinthiens 8, le verset 12 à 15. Scandaleusement, comme Marie, sœur de Lazare, qui a gaspillé l'équivalent d'un an de salaire d'ouvrier sur le Seigneur Jésus, alors qu'il y avait des pauvres, pour parler comme Judas Iscariote. Nous voyons l'histoire en Jean 12, les versets 1 à 8. Sacrificiellement, en vous dépouillant comme la veuve parmi les riches, dont nous lisons en Marc 12, les versets 41 à 44. Et enfin, selon vos moyens et au-delà, 2 Corinthiens 8, verset 3, à l'exemple des Macédoniens. Sixième et dernier M, moisson. Qu'est-ce que ça donne de donner? Il est écrit, « Sachez-le, celui qui sème peu, moissonnera peu, et celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. Que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. » Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que possédant toujours, en toutes choses, de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre, selon qu'il est écrit, « Il a fait des largesses, il a donné aux indigents. Sa justice subsiste à jamais. » Celui qui fournit de la semence au semeur et du pain pour sa nourriture vous fournira et vous multipliera la semence et il augmentera les fruits de votre justice. Vous serez de la sorte enrichis à tous égards pour toute espèce de libéralité qui, par notre moyen, feront offrir à Dieu des actions de grâce. Car le secours de cette assistance non seulement pourvoit aux besoins des saints, mais il a encore une source abondante de nombreuses actions de grâce envers Dieu. En considération de ce secours dont ils font l'expérience, Il glorifie Dieu de votre obéissance dans la profession de l'Évangile de Christ et de la libéralité de vos dons envers eux et envers tous. Il prie pour vous parce qu'il vous aime à cause de la grâce éminente que Dieu vous a faite. Grâce soit rendue à Dieu pour son don ineffable. 2 Corinthiens 9, les versets 6 à 15. Donner est donc un investissement dans le ciel comme l'expliquent les Écritures. Matthieu 6, versets 19 à 21. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre où la teigne et la rouille détruisent et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel où la teigne et la rouille ne détruisent point et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Et 1 Timothée 6, les versets 17 à 19, recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux et de ne pas mettre leur espérance dans des richesses incertaines, mais de les mettre en Dieu qui nous donne avec abondance toutes choses pour que nous en jouissions. Recommande-leur de faire du bien, d'être riches en bonnes œuvres, d'avoir de la libéralité, de la générosité et de s'amasser ainsi pour l'avenir un trésor placé sur un fondement solide afin de saisir la vie éternelle. Question pour vous. Vous êtes-vous donné à Dieu et comment cela se traduit-il dans votre disposition à donner de vos biens? Bien-aimés, en résumé de cet examen de l'argent en trois dimensions, drainer, dépenser et donner l'argent, nous pouvons retenir ceci. Premièrement, nous devons utiliser l'argent pour servir Dieu et non utiliser Dieu pour servir l'argent. Deuxième point à retenir, l'argent se gagne principalement à travers l'intendance combinée, la gestion combinée du temps, du tonus et des talents que Dieu nous a donnés pour les mettre au service des autres. En d'autres termes, l'argent se gagne principalement par le travail. Troisième point à retenir, l'argent se dépense pour pourvoir aux besoins des nôtres et des autres. Quatrième point à retenir, l'argent s'épargne pour prévoir des réserves pour les défis dont on est averti et pour investir. Cinquième point à retenir, l'argent s'investit pour produire des gains de capital. Et enfin, sixième point, l'argent se donne pour participer à l'œuvre de l'Évangile de Jésus-Christ, c'est-à-dire investir dans le ciel. Question pour vous, qu'est-ce qui va changer maintenant dans vos rapports avec l'argent? Que la joie du Seigneur demeure votre force et à bientôt pour la prochaine étude intitulée « Ressources de Dieu 3, foi ». Vous venez d'écouter « Ressources de Dieu 2, finances ». Ceci est un enseignement de préparation au séminaire « En Economia, intendance des ressources de Dieu ». Le séminaire « En Economia, intendance des ressources de Dieu » a pour but d'inspirer et d'équiper les saints afin qu'ils soient des gestionnaires fidèles des ressources de Dieu et que leur témoignage et héritage spirituel et matériel glorifient Dieu. Les enseignements de préparation à ce séminaire et à d'autres séminaires sont téléchargeables gratuitement sur le site www.epplaparole.com. Ces ressources ne peuvent être vendues. Toutefois, vous pouvez les reproduire, les distribuer et les diffuser gratuitement, sans les tronquer et sans les modifier. Marchons à la lumière de Jésus-Christ, il revient bientôt.